Alors, pour dire avoir envie de ou vouloir dans le sens de vouloir faire quelque chose, on dit 想, 想, 为 rouge de la victoire, 想, pour dire avoir envie de. Alors, comment dites-vous avoir envie de? 想, 想. C'est comme la couleur cyan prononcée en se pinçant le nez. Cyan. Donc, comment dites-vous avoir envie de vouloir? Cyan. Cyan. Nous n'avons pas ce son en français. Hein? C'est pour ça que c'est difficile. Mais on vous comprendra bien si vous utilisez le bon ton. Et je vous le garantis, votre prononciation est bien meilleure que beaucoup de gens qui parlent le mandarin en Chine. D'ailleurs, ma collègue m'approuve de la tête. Alors maintenant, revenons à notre mot « avoir envie de ». Mon frère était un passionné de peinture et faisait lui-même ses mélanges de couleurs. Un jour, il m'a demandé « Tu as envie, xiang, de voir comment on fait le cyan ?» Alors maintenant, comment dites-vous ? Il voudrait lire un livre. Il. Ta. Vouloir, avoir envie de. Sien. Lire un livre. Regarder livre. Kan. Chou. Il voudrait lire un livre. Ta. Sien. Kan. Chou. Et comment direz-vous ? Je voudrais aussi lire un livre, mais je suis très occupé maintenant. Je. Wo. Aussi ou également, pensez aux années 60 et aux yéyés. Yé. Vouloir, avoir envie de. Xiang. Lire un livre, regarder livre. Kan. Shu. Mais. Que. Shi. Je. Wo. Maintenant. Sien sai. Très occupé. Ren mang. Je voudrais aussi lire un livre, mais je suis très occupé maintenant. Wo ye xiang kan shu. Ke shi. Wo xian zai han mang. Maintenant, entraînons-nous à dire le son. Xiang. Pour prononcer le mot « si », faites votre plus large sourire. « Si » étirez vos lèvres au maximum jusqu'à avoir l'impression que toute votre bouche va craquer. Lorsque vous dites « si », où se trouve la pointe de votre langue ? Collée en haut de la bouche ? Alors faites bien attention à l'endroit où elle se place. Avancez-la un peu vers l'avant, vers les dents, mais sans toucher les dents. Et remarquez qu'il y a un peu d'air en plus, un tout petit suintement. Et maintenant, dites... Xiang, xiang, xiang, xiang, xiang, xiang.